Chapitre 5. Comment Ali Pépé, ayant fait tout ce qu'il fallait pour être honnête, fut pendu. Ce soir-là, les portes de la fonda furent closes plus tôt qu'à l'ordinaire. Ali Pépé avait permis à ses valets de passer la nuit à la fête de Montella. Il resta seul avec ses quatre voyageurs. L'hôtelier tira les verrous, mit la chaîne en travers de la porte d'entrée, s'assura que les volets étaient bien clos, toute chose qu'il ne faisait pas habituellement. Puis, ses précautions prises, il descendit dans une cave où étaient rangées des armes de toutes sortes. Il choisit un coutelas qu'il aiguisa avec soin, revêtit un gilet de mailles souples comme la soie et à l'épreuve de la lame, chaussa ses sandales, se couvrit la tête d'un haume de forme bizarre qui lui cachait le visage et remonta avec précaution. Arrivé au haut de l'escalier, il éteignit sa lampe et continua son chemin à tâtons. Il s'arrêta successivement à la porte des quatre chevaliers et regarda par le trou de la serrure ce qu'il faisait. Mon rognon entamait sa huitième bouteille. Porrentruy dormait. Allégrignac prenait le frais sur la terrasse. Maragougna comptait ses écus à tâtons. « Bon, se dit Ali Pépé. Dans une heure, celui qui soupe aura bu sa neuvième bouteille et aura roulé sous la table. Celui qui dort ronflera. Celui qui rêve dormira. Quant au dernier... » Le seigneur et maître de l'auberge du Crocodile n'acheva pas. Il venait d'arriver à l'écurie et s'y était étendu sur la paille. Dans le milieu de la nuit, Allégrignac se réveilla en sursaut. Il avait cru entendre un cri déchirant. « On égorge quelqu'un ici !» se dit le comte de Salençon. Il se jeta à bas de son lit et prêta l'oreille. Tout était silencieux. On eût entendu les araignées tisser leur toile. « Je n'ai pas rêvé, cependant. Non, j'ai bien entendu crier. » Il écouta encore, et cette fois, le silence lui donna le frisson. Il venait de se rappeler son entretien avec l'aubergiste. L'idée qu'il était l'instigateur du crime qui venait sans doute d'être commis éloigna tout sommeil du chevalier. Il s'habilla et s'assit sur le bord de sa couchette, l'épée nue à la main. Au bout d'une demi-heure, deux cris retentirent encore dans la nuit. Allégrignac se leva brusquement, comme s'il avait obéi à quelque ressort caché. Ses nouveaux gémissements le déroutèrent. « On égorge donc tout le monde ici ?» se dit-il de plus en plus ému. « Il n'y a place dans ma conscience que pour un crime, et si maître Ali Pépé fait du zèle, je n'en suis pas responsable. » Par mesure de prudence, il roula son lit devant la porte, jeta dessus la table et les chaises et fit le guet. Le reste de la nuit fut calme et silencieux. La lune acheva sa faction nocturne, et quand le soleil reparut, Allégrignac, honteux de sa frayeur, remit tout en place dans la chambre. À 7 heures, Ali Pépé frappa à la porte. « Voici ce que vous m'avez demandé. » Et le redoutable aubergiste posa un sac sur le lit du comte de Salençon. « Avez-vous préparé la somme ? La voilà. » Je vous engage à vous mettre promptement en route, car je crois avoir aperçu ce matin un de vos compagnons. » Allégrignac ne se le fit pas dire deux fois. Il descendit, trouva son cheval prêt, attacha le sac à l'arçon de la selle, joua de l'éperon et partit au galop. Ali Pépé le regarda s'éloigner en souriant. Puis, quand le chevalier ne fut plus qu'un point à l'horizon, il entra chez le baron de Montrognon. « J'ai exécuté vos ordres, seigneur. Voilà ce que vous m'avez demandé. » Et il posa un sac sur la table, comme il avait déjà fait pour aller Grignac. « Voilà la somme convenue, » dit le baron en lui tendant 25 onces d'or. « Fais sceller mon cheval, j'ai hâte de partir. »« Il est prêt, » dit l'aubergiste en prenant la somme. « Votre seigneurie le trouvera au bas de l'escalier. » Montrognon sortit pour la première fois depuis un mois. Il attacha le sac à l'arçon de la selle comme l'avait fait aller Grignac. Quelques minutes après, il avait disparu. Ali Pépé n'entra pas ce jour-là dans les deux chambres qu'occupaient Porrentruy et Maragougna. Il passa son temps à compter son or. 50 onces d'or du seigneur ivrogne, plus 40 onces pour sa dépense, soit 90. 60 du plus bavard des chevaliers, plus 35 onces pour son logement et sa nourriture, soit 95, en tout 185 onces, si je sais compter. Ajoutons à cela l'escarcelle du chevalier fainéant et celle du seigneur aux plumes noires. Elle contenait l'une 150, l'autre 140 onces. C'est donc 290 qu'il me faut ajouter à 518. Total, 475 onces en pièces sonnantes et reluisantes. Voilà plus qu'il n'en faut pour devenir honnête. Je puis me passer cette fantaisie et me la passerai. Ali Pépé ne put pas réaliser ses louables intentions. Il fut pendu 8 jours après, ainsi que vous le verrez, mes enfants, si vous continuez la lecture de cette histoire.